En direct de Trois-Rivières, c'est le palmarès de C'est fou. Y, est-il vraiment considéré comme une voyelle? Moi, je la considère comme une voyelle parce que je suis gentil. Ah, je l'aime bien. Ah, c'est fin. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Jack. Bonjour, public. Hey. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Autant que toi. Yeah, ça doit être vraiment fort. On est pépé, on est du tonnerre aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Cette semaine, comme toujours, 15 côtés francophones, 15 côtés anglophones, ce côté étant des pièces. Et cette semaine, pas comme à toutes les autres semaines, 4 nouvelles en français, 2 nouvelles en anglais. Oui, ça va être bon ça. La semaine dernière, notre numéro 1 francophone, c'était Paul Amarani et Les Nouveaux Mariés avec Guerre Academy. En anglophone, c'était Madcast avec Higher. Mm-hmm. Et pour ceux qui viennent de se joindre à nous, qui n'écoutaient pas la finale de Rock Classic il y a quelques instants, Mathieu, t'as parlé à quelqu'un des Madcaps la semaine passée. C'est vrai, j'ai parlé à Frédéric Pellerin de la formation Madcaps la semaine dernière, groupe trifluvien. Adorable. Oh, ça doit être mignon. C'était cute. Hey, ce soir, dans les palmarès, autre que les sports, le cinéma, la météo et tout le reste, dont le balayage de plancher. Et voilà. On va aussi avoir à faire tirer 3 copies de l'album de Lenz Arledge, The Hope Museum. Oh, nice. Ça va être plus tard dans l'émission. Et parlant de Lenz Arledge, ils sont toujours sur notre palmarès, mais en quelle position? Ah! On sait pas. Faut pas le dire. Oh mon pas Dieu. Pas tout de suite, en tout cas. On va le dire éventuellement. Ouais. On va commencer l'émission, comme à chaque semaine, par nos positions numéro 15. J'ai une question pour toi. Quoi donc? Qu'est-ce que j'ai manqué la semaine passée? Ah, ben la semaine passée, Marc Perriard du Zone Campus est venu faire son tour et a co-animé avec moi une édition spéciale. Nice. Et ensuite de ça, à 20h, on a fait les palmarès moins 6. On a fait le résumé de ce que le palmarès était en 2000. Ah, j'ai une question pour toi. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Internet cette semaine? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur Internet cette semaine? Belle question! Ouais. Il y a des vidéos qui circulent, des vidéos virales qu'on appelle. Mais il y a aussi des blogs. Mon Dieu, tu voulais vraiment parler de ça tout de suite? Ben écoute, c'est toi qui m'en as parlé tantôt. C'est vrai. Ben, il n'y a pas encore d'adresse officielle, mais vous pouvez déjà le visiter. Si vous passez par le bulkys.com, bulkys.com/palmarès, c'est son adresse temporaire, mais à partir de la semaine prochaine ou de peut-être tantôt, il sera au cfou.ca/palmarès. Oh, wow! C'est beau, hein? On va avoir un blog. Ben oui, comme tout le monde, faut se mettre à jour. C'est vrai, toutes les émissions ont un blog, même les miennes en ont, tu sais, la connexion, la chanson de courant, ils ont tous des blogs, c'est le fun. Wow. Donc là, nous, on va en avoir un aussi. On va avoir là-dessus les liens des articles qu'on mentionne ou peut-être des choses intéressantes qu'on a vu pendant cette semaine-là. Et évidemment, le listing de ce qui se passe dans les palmarès en rappel. Wow! Pas à l'avance, mais après qu'il soit passé. J'ai hâte de voir ça. C'est le fun. On va aller écouter en 15e position anglophone la formation The New Cities avec Run Baby Run. Mais avant ça, qu'est-ce qu'on va écouter, Mathieu? La 15e position francophone, c'est-à-dire Surcharge avec une nouvelle entrée de l'album Au bar chez Satan, la pièce Au bar chez Satan. Wow! Yeah! J'ai chair de poule. T'sais, la pièce titre, c'est toujours gagnant. Ça. Yeah, jusqu'à 20h, c'est le palmarès régulier. Après ça, une dernière heure de palmarès en rappel. Ah, c'est fou 89. Ah, merde. Nos 15e position anglophone et francophone cette semaine, on vient d'entendre The New Cities de Trois-Rivières avec Run Baby Run, nouvelle entrée du côté anglophone. C'est trifluvien. C'est trifluvien. J'adore ça. C'est ce qu'on m'a dit. Ben, ils vont aller loin dans la vie, eux autres. Mm-hmm. J'aime mm-hmm. ça. Sérieux? Mm-hmm. Excellent. Mm-hmm. Et c'était précédé de Surcharge avec la pièce éponyme de l'album. Au bar chez Satan! Éponyme. C'est ça? Ouais. Il me semble que oui, quand c'est le même nom que l'album. L'album éponyme, quelque chose de même, ça s'appelle de la même façon. C'est bon! Ouais! C'est super bon! C'est excellent! On s'en va vers nos 14e position de cette semaine. Exactement! Mm-hmm. Cette semaine, on a 2 nouvelles entrées en francophone et anglophone. Absolument, du côté francophone, c'est Les Chiens avec Le Crépuscule, nouvelle pièce de l'album Rosca. Et la formation Underdog nous donne la pièce Butterfly Disease. Et c'est pas du rap, malgré ce qu'on pourrait penser par le nom Underdog. Ben, c'est ça. J'attendais que tu me donnes une confirmation de oui ou non. Ouais, non. Et c'est non. On a un top rap. On a un top rap. On devrait en parler. On en parlera plus tard, voir un petit peu peut-être les quelques premières pièces des top rap franco-anglo, électronique et autres du palmarès de C'est fou. On les dit jamais en nom, puis ils le méritent quand même. C'est pas pire, je connais les noms dans le top rap. Non, ouais, sérieux, le côté francophone ou anglophone? Anglo. Ben, si on pourrait faire ça tout de suite, tu sais. Ben, allons-y, oui. Tant qu'à être là. Veux-tu faire l'anglo, franco? Ok, fais l'anglo. Parfait. Rapidement, on a... Voyons. Si on veut juste les 5 premières positions, on a Obi Trice avec Wanna Know en 5e position anglophone, en rap. Quatrième position, c'est Dilated People avec Kindness for Weakness. Troisième position, c'est El Da Sensei avec Crowd Pleaser. M1 en deuxième position avec Till We Get There. Et première position, Army of the Pharaohs avec Into the Arms of Angels. Du côté francophone, en cinquième position, on a RPZ avec AK-47 qui est en descente de deux places. En quatrième, Nesbill avec Les Larmes de ce Monde, descente de deux places. En troisième position, G-Kill avec Kaisi, qui était la première position la semaine dernière, mais qui est en troisième maintenant. En deuxième, une nouvelle entrée, directement en deuxième position, Kaisi avec Dans nos histoires. Et en première position, encore une nouvelle entrée qui fait le saut directement là, Cynic featuring Tunisiano avec Un monde meilleur de l'album Sans froid. Et ce qui est bien, c'est qu'en troisième position, le nombre de la pièce, c'est Kaisi. Et en deuxième position, le nombre d'artiste, c'est Kaisi. C'est beau, ah ouais, hein? Regardons ça. C'est beau. C'est beau. Mais hein, c'est beau. C'est d'une beauté remarquable. Je n'en peux plus. Arrêtez-le. On fera le top électronique plus tard, mais maintenant, ça va entendre nos 14e positions du côté francophone. Encore une fois, Les Chiens, Le Crépuscule de Rosk. Tout de suite, au Palmarès, c'est fou. Ben ouais, pourquoi pas? Ben là, c'est vraiment le fun. C'est beau à voir. C'est touchant comme pièce, ça. Ah, c'est incroyable. C'était Underdog avec Brief, Butterfly Disease. M'as-tu arrêté de dire Briefly? Butterfly Disease. Ah, okay. Nouvelle entrée, ça. Oui. Et du côté francophone, on a entendu Les Chiens avec la pièce Le Crépuscule de l'album Rosca. Oui. Et voilà. Et est-ce que je peux faire la météo? Tu veux faire la météo? Ben oui, vas-y donc, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Ben oui. On va juste... Mais c'est une idée que j'ai eue parce que ça vient... On t'entend pas. Parce que... Ça vient juste de me passer dans la tête. Fait que okay. Là, je vais juste trouver la météo. C'est le fun? Ouais. Ben c'est vraiment, vraiment le fun que t'en parles. Et tu sais, c'est ce qui est le fun aussi? Non. La musique de la météo. Oui. C'est beau à voir. Eh bien, on annonce pas beaucoup de beau temps pour les prochaines heures. Ah non. Et c'est ça qu'on va vérifier à l'instant. Hein, que je ferai pas de faute d'orthographe dans Trois-Rivières. Mm-hmm. Et voilà. Fascinant. C'est incroyable, hein? C'est un beau moment que j'ai vu. Ça va, toi? Ça va très bien chez nous. Mon chat va bien aussi. Ben, tu vas voir, ça va aller encore mieux dans les prochaines heures. Parce que ce soir et cette nuit, on annonce un minimum de -5 nuageux avec éclaircies et des averses de neige isolées. C'est-à-dire qu'on annonce 30% de probabilité et qu'il risque d'avoir des traces de neige et près de 1 mm de pluie pour les 24 prochaines heures. Mais demain après-midi, maximum de 6, ensoleillé avec passage nuageux et seulement 10% de probabilité de précipitation. Mm-hmm. Dimanche, maximum de 6, nuageux avec des éclaircies, des averses isolées. Pour le restant de la semaine, ben, c'est une alternance soleil-nuage, pluie, mouille, chiasse, chaud. Mercredi, maximum de 16 prévu. J'aurais dû être surpris. 16? 16? Es-tu malade? Non, mais ben, avec le changement d'or. Ça là, pas de t-shirt, tu vas l'être. C'est avec le changement de température du froid au chaud, ça se pourrait que vous soyez malade. Mais le pire, là, ouais. Tout le monde m'ostine dans mon entourage et je viens qu'à le croire, mais ça a l'air que le froid, le chaud, ça n'a rien à voir avec la maladie. Hein. Non. C'est les bactéries. Ouais, ça, c'est pour la grippe. Le rhume. Puis la grippe, c'est un virus. Ouais, puis ton système immunitaire est plus faible. OK. Mais c'est pas la température même, c'est la fatigue. Ah! C'est bon à savoir. C'est beau, hein? C'est beau. Et présentement, il fait 6 degrés Celsius. Température ressentie à peu près 6 parce qu'il vente pas beaucoup. Mais il pleut! C'est le fun, hein? Ben oui. C'est le fun. Merci, Jack. Ça fait plaisir. La météo. Et je vais essayer de regarder Destination Soleil. Aperçu du printemps 2006, voir qu'est-ce qu'ils disent là-dessus. Aperçu saisonnier. Okay. Moi, pendant ce temps-là, je vais vous dire que, en fin de compte, c'est fait. C'est fou.ca/palmarès, ça fonctionne. Allez-y. Le site est là. Tout est là. Le MP3 de la semaine passée. C'est beau à voir. Wow. C'est vrai. On peut écouter moi en train de parler pendant 1h16. C'est fun. En tout. C'est fun, hein? Hey, sais-tu quoi? Quoi? Cette année, pour le printemps, les températures prévues vont être près de la normale. Les précipitations prévues vont être près de la normale aussi. Les températures moyennes à Trois-Rivières pour le printemps, c'est des maximums de 10, des minimums de -1 et une moyenne de 4. Et les précipitations moyennes pour le printemps sont de 218 mm de pluie. C'est le fun! Ah, ouais! Fait que, on va avoir un printemps régulier. C'est le fun! J'ai hâte de voir ça. Ben, ça fait plaisir. Tu sais? Hein? OK. Ouais. Hein? OK. On est rendu à nos 13e position des deux côtés. D'accord. Ouais. Du côté francophone, Malade Mantra avec une nouvelle entrée. On les connaît de la pièce Asseyez-vous. Mais là, c'est la pièce titre de leur album 4 millions de tounes qui rentre en 13e position. Il y a deux pièces sur le palmarès jusqu'à là qui sont comme ça, hein? Pardon? Au bar chez Satan puis 4 millions de tounes, tirées de l'album respectivement. Au bar chez Satan, il y a 4 millions de tounes. C'est vrai. Quand même bon. C'est donc bien bon. Si on s'en va dans l'anglophone, on a Hermine avec la pièce Crystalline qui était là la semaine dernière en 8e position et qui est maintenant en 13e. Magnifique. C'est beau. Moi, je te dis là-dessus, moi, c'est malade. C'est malade mantre, même. Je ne vais pas ambitionner. Je répondrai même pas à ça. Une chance. Ça aurait été plate si tu avais répondu à ça. Pas à la tentation. Yeah. Ouais, c'était Hermine avec Crystalline. Troisième position, anglophone. Anglophone. Et juste avant, Malade Mantra avec la nouvelle entrée 4 millions de tounes en 13e position francophone. Francophone. OK. Oui. Yeah. Yo. Yo. ¿Cómo estás, señor? Yabadabadou, Scooby-Doo. Yes, sir. C'est ça. Hey, est-ce que tu sais quoi? Quoi donc, Jack? Il est présentement 17h39. Hey, c'est adorable, ça. C'est incroyable, hein? Mm-hmm. Et d'ici à peu près une demi-heure, il va y avoir des sports. Aïe, aïe! T'as-tu fait mal? Non. Ah, c'est bon. J'étais juste surpris. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'émission, mon cher Mathieu? Il s'en vient plusieurs choses, telles que la chronique cinéma. Oui. On va aussi avoir des gens stupides qui font des choses stupides. Oui. On va peut-être parler d'un petit peu de l'actualité en général. Oui. On a la question C'est fou qui s'en vient dans quelques minutes. Oui, absolument. Oui, absolument, absolument. Et le top des albums les plus vendus au Canada. Au Canada. Et encore une fois, je vous le rappelle, c'estfou.ca/palmarès, c'est l'endroit où aller pour savoir comment nous contacter. Parce que si tu y vas pas, t'es pas in. T'es pas in, t'es out, man. Ah, out, out. Out, man. Na, na, na, na, na, na, na, out, man. Mais vous pouvez aussi nous téléphoner en direct en studio si ça vous le chante. Oui. Et si vous voulez nous chanter quelque chose. Oui. Composez succinctement les touches suivantes. Succinctement. Je sais même pas si c'est un mot. Oui, ça se dit. Le 819-376-5183. 819-376-5183. Je viens de mêler tout le monde. 819-376-5183. Bravo! Hein? Et hein? Je suis évidemment sur le chat en ce moment. Jack est sur le chat. Il est sur le chat? Non, chat? Je suis sur... Okay, moi, je ne suis pas, là. Je suis sur le sport, là. C'est sur le sport. Moi, je suis sur mon chat à moi. Mais je m'envoie là-bas. Palmarès, ouais. C'est fou. Hotmail.com. Ben, oui. C'est pas compliqué. Mais non, Jack Lee. Regarde, même Jack est capable. Regarde, clic, je suis rendu. Et voilà. Il est du bon acteur. C'est incroyable. Palmarès, c'est fou. Hotmail.com, c'est aussi notre adresse courriel. Et le forum est toujours aussi fou.ca/forum. Oui, monsieur. Dans la section alternative punk sous Palmarès, c'est fou. Oui, monsieur. C'est bon. On s'en va entendre nos 12e positions du palmarès francophone et anglophone de cette semaine. Du côté francophone, c'est Caïman Fou avec la nouvelle entrée Wow de l'album Les Charmes du quotidien. Et en anglophone, c'est Ben Harper, que je n'ai pas entendu parce que j'étais pas là la semaine dernière, avec la pièce Morning Yearning, qui était en 12e la semaine dernière et qui est en 12e cette semaine. T'es jaloux que j'aille admettre ça. Wow. Arrêtez. Je suis capable de le retenir. Les 11e positions du palmarès francophone et anglophone de C'est fou. On vient d'entendre les Yeah Yeah Yeahs avec Gold Lion remonté de 3 places pour la 2e semaine, maintenant en 11e position de l'album Show Your Bones. Et juste avant, du côté francophone, c'était Paul-Émile Bazar avec Besoin de lunettes qui passe de la 8e à la 11e de l'album Aval ta montre. Maintenant avec nous en studio en exclusivité et pour la première fois, non, c'est pas vrai du tout. Bonjour. Ben, c'est la première fois quand même. Dans les palmarès. Oui, dans les palmarès. Faut le noter. Bonjour, oui. Simon, ton nom. Oui, c'est ça, Mathieu. Simon dedans, Simon appelle pas là. Exactement. Dans le trafic du mardi. Du mardi de 4 à 6. Absolument, un des meilleurs dans le trafic. Un des 4 meilleurs dans le trafic. Je sais pas, ouais. En fait. C'est vraiment un des 4 meilleurs. Un des 4 meilleurs, ouais. C'est vrai. On a une chance sur 4, hein. On les classera pas dans un ordre particulier parce que ça va faire des jaloux. Ouais, mais écoute, je veux dire qu'on est quand même une bonne équipe, nous autres. On commence à bâtir une bonne... comment qu'on dit? Synergie. Exactement. C'est ça. Ah, t'as les mots, toi, mais Mathieu. Oui, t'as tout le temps les mots. C'est vrai. D'ailleurs, une équipe qui est là depuis longtemps, qui a changé avec le temps, qui a des gens qui sont rajoutés, il y a des gens qui sont partis, mais quand même, une équipe fiable. Ben, c'est une équipe qui a été bâtie plus à la session d'hiver passée. Mm-hmm. On était dans le mosh pit, dans le fond, qui était juste une heure le mardi. Puis là, les gars sont partis en stage, fait qu'on a parti notre émission. Puis c'est des gars de com. Moi, je suis le seul gars en génie qui a pas rapport, puis Il est pas là, mais on se fait du fun, puis ça vaut la peine d'écouter. Est-ce que ces gars-là vont bientôt se libérer du carcan de dans le trafic et devenir quelque chose d'autre? On verra. Je ne sais pas. Ouais, parce que je t'aime pas. Ben là, là, Jack, il va falloir que tu te forces. Écoute, moi je pense que... Mathieu, je t'ai créé, je peux donc maintenant te détruire. Alors ne va pas trop loin à jouer avec ça avec moi. OK. C'est dangereux quand il dit ça. Ne pas prendre ça pour de l'or. OK. Donc on s'en va très bientôt vers nos 10e positions, mais avant, on va discuter les gars. On va discuter un petit peu. Bon, ça vous tente bon. Le gars il s'en allait lui là. Non, ce que je dis c'est qu'on est rendu à la question c'est fou de cette semaine. Mais commençons par celle de la semaine passée. Que je ne suis pas au courant du tout. Ben non, pour vous donner les résultats de ce que les gens ont répondu sur le forum de C'est Fou, au cfou.ca/forum. Et avant de donner les résultats, pose-moi donc la question, va. Je vais te demander, tu vas me répondre. Qu'aimez-vous le plus au printemps? Y a-t-il des choix de réponse? Il y a des choix de réponse, les voici. Et je donnerai les résultats après. Les filles qui sont déshabillées, évidemment. Ça doit être la première. Ensuite, les autos... les autos modifiées qui paradent au centre-ville. Ouais, peut-être pour les filles, ça. Ouais, juste pour les filles. En troisième, les terrasses de la rue des Forges. OK, ça vole pas haut jusque-là. La chaleur du soleil. Ouais. Ça, c'est naturiste. C'est pas ce que je préfère, mais j'aime ça quand même. Et en cinquième, naturiste. Et en cinquième, jaillit le printemps et les autos qui m'arrosent. En fait, j'aime le printemps pour l'ensemble de son œuvre. Mais en fait, c'est une réponse qui est tellement scarif, c'est que c'est tellement plate l'hiver. Il n'y a pas de peau, il fait frette. Tu sors dehors, t'es comme tout le temps obligé de ça prend 15 minutes de t'habiller pour sortir. Là, t'arrives au printemps, c'est comme, tu reviens, tu refais, c'est ton reset. Je suis pas sûr, Jack, parce que l'hiver, il y a des points positifs que tu ne vois peut-être pas. Il y en a pas beaucoup qui le voient, là, mais l'hiver, il y a des points positifs. Là, mais... en ont trois, comme quand même. Trois, le snowboard. Ouais. Deux, la planche à neige. OK, on va tout mettre ça. Descendre une pente en plein soleil sur un surf des neiges. Oh, surf des neiges. Un snowboard et un surf des neiges. Ouais. Non, c'est vrai qu'en printemps, c'est... Et surtout, je ramènerais ça dans... Ça, c'est une raison, les sports d'hiver. Nous en avons d'autres, deux autres. Les carnavals de Québec. Bonjour, ici le bonhomme carnaval. J'ai jamais été, en fait. Non, c'est vrai, t'as raison. Le printemps, c'est... Rigorifiant. Contrairement à l'été, il y a l'hiver qui est frigorifiant. C'est ça, exactement. C'est révigorant. C'est ça, je cherchais. Je sais. C'est bon. Voulez-vous les résultats du sondage, les gars? Ben oui. Non. Je peux d'ores et déjà, moi, c'est des beaux mots, dire que je suis sûr que c'est des filles qui ont gagné. C'est sûr. C'est très facile à faire. Les choix 2 à 5 ont 5% des votes. Et le seul à avoir plus que ça, c'est 77% des votes pour les filles qui sont déshabillées. Ouais. C'est beau à voir, hein? Ah, on est vraiment... On est des pervers. On est toute une gang de pervers. Ouais, moi, je m'en cache pas. Je veux dire, regarde, tu sors dehors, tu t'en vas sur une terrasse, qui est le choix numéro 3, et tu regardes passer le choix numéro 1, passer dans la rue. Quoi de mieux? À part quand t'as un choix numéro 2 qui vient de te scraper le décor, là. Ouais. Les chars modifiés. Le numéro 7, c'est un Big Mac, je pense. Ouais. Ah, c'est ça. Je sais pas. Mais la peau, c'est toujours gagnant. Ouais. Mm-hmm. Voir de la peau, là. De toute façon, c'est prouvé que le printemps, c'est là où tu remets tout le temps ton couple en question parce que tu sors une grosse léthargie. Une quoi donc? Léthargie. Les mots fusent et... Ils refusent. Ils refusent. Quoi? Et cette semaine, la question qu'on vous demande sur le forum, c'est quelle est la pire chanson de tous les temps? Oh mon Dieu! Ça, il y en a beaucoup, là. Et voici les choix. Okay. Frouche, frouche, crâne, manu. Donc... les choix sont les suivants. Lavé, lavé de Martine Sinclair, qui est présentement à 42%. Agadou de Patrick Zabé, qui est à 14%. Danse dans ma tête de Céline Dion à 28%. Et le Icky Breaky Dance de Steve Cars, qui est à 14% des votes présentement. L'avantage de Icky Breaky Dance sur toutes les autres, c'est qu'elle est poche, mais elle est fun. Tu sais, d'un party, ça met tout le temps de l'ambiance. Mm-hmm. Danse dans ma tête, là. À part le danse. Lavé, lavé, il y avait ça. Oui. Laver, là, je m'excuse, mais il n'y a rien qui se passe là-dedans. La dernière fois que j'ai entendu laver, c'est quand j'ai animé un karaoké pour le carnaval étudiant cette année, puis que c'est la gang de je me rappelle plus trop quelle concentration. Ça devait être récréo. Ouais, quelque chose comme ça. Ça devait être récréo. Eux autres sont comme trop underground, là. Ils s'habillent en brun pis ils aiment ça, fait que... Ben ouais, ils étaient déguisés en laveuse. Ah, pas une laveuse, là, tu mets ça à spin, là, mais une madame qui lave. Ah, ça se peut, mais... Tu sais, laver, là... C'est, tu mets même pas ça pour faire ton ménage. Là, non, mais non, c'est plus primaire plus que d'autres choses. Puis pas parce que ça parle de laver, parce que c'est Martine Sinclair. Si elle passe à la TV, tu peux toujours la mettre à mute, puis ça marche. Mais... Si ça passe à la TV, tu peux même changer de poste ou donner un coup de marteau dans ton TV. Ok, je passe. TV. Si jamais elle passe un jour. Ouais. Ok, donc ben, c'est la question de la semaine. Allez-y, répondez. Hein? Et même si vous avez des suggestions, vous pouvez toujours écrire sur le forum des nouvelles suggestions. Absolument. Okay. Si vous voulez nous dire par téléphone, tiens, si vous voulez nous partager ça, on va partager ça en ondes avec les gens. 819-376-5183, c'est notre numéro de téléphone. Absolument. Téléphonez-nous en ondes, ça va nous faire... Ben, hors ondes, quand on a de la musique, là. Ça va nous faire plaisir de comptabiliser vos votes. Je compte ton vote. Ouais, je comptabilise. C'est ça? Exactement. Je comptabilise ton vote. Moi, je vote personnellement contre Laver. Moi aussi. C'est alors, fait déjà, d'ailleurs. Merci. Et voilà. Je vais voter pour toi aussi. On s'en va entendre nos 10e position, c'est-à-dire du côté francophone, le Husky qui remonte d'une place avec la pièce Dans le bois. Et en 10e position anglophone, c'est Placebo avec Because I Want You. Because. J'aime ça, Because. Because. I want you. Hey, merci les gars. Au revoir, Simon. Ben oui, à la prochaine. Ben oui. Toujours un réel plaisir de co-animer en ta présence. Ben moi aussi. On va te voir. Bien. Je pense que j'ai un petit peu de chair de poule présentement. T'es fin. C'est parce qu'il fait frette. Ouais, c'est exactement ça. Oh oui! Oh oui! Les 10e position du palmarès de cette semaine. Placebo avec Because I Want You, c'était notre 10e cette semaine, 11e la semaine dernière. Et juste avant, c'était la 10e francophone, le Husky avec Dans le bois remonté d'une place. Exactement, on va aller tout de suite écouter les 9e position. J'adore le nom de cette formation-là. Navet confit. Miam, miam, miam. Avec la pièce Sous la table. Et du côté anglophone, People in Planes avec If You Talk Too Much, My Head Will Explode. Bang! Bang! Descente de la 4e à la 9e cette semaine. Oui, alors ça sera pas une surprise pour personne. Il y a une nouvelle 4e position cette semaine. Hey, je suis sûr que tout le monde attendait juste ça. On le fait tout de suite. Ah oui. Cette semaine, au palmarès, un petit spécial, on a 3 albums de Lanzarledge à partir. Et ceux qui connaissent pas Lanzarledge, ça ressemble un petit peu à peu près, là, ça ressemble étrangement à ça. Lay down, won't you? Stay while, won't you? Yeah, ça vaut la peine. C'est bon, ça. C'est très, très bon. C'est un groupe montréalais, je pense. Absolument, hein? Un groupe... non, c'est pas Montréal. Je me rappelle plus exactement de la ville, mais je sais que c'est canadien, en tout cas. On va regarder ça tout de suite, dans quelques instants. L'album s'appelle The Hope Museum. Des pièces comme Go On and Smile, Hang On, Limits, Small Town Girl et Underrated. Donc, on a 3 albums et 3 macarons à faire tirer. Macarons? En fait, ils sont pas à tirer, on les donne. Il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de mettage de nom dans un chapeau. Vous avez qu'à téléphoner au 819-376-5183, le 819-376-5183. Dans quelques secondes, je vais vous donner le signal. Et à partir de là, téléphonez-nous, 1, 2, 3 albums, ça va être génial. Wow. Vous trouvez s'il venait de où? Non. myspace.com/LensHarledgeMusic. C'est la place où aller, c'est in, c'est hip. Parlant de Internet, pour ceux qui ont l'Internet chez eux, comme tout le monde, rendez-vous au cfou.ca/palmarès, sans l'accent, cfou.ca/palmarès, vous allez retrouver le MP3 de la semaine dernière, les chroniques, le en rappel, tout ce qu'on passe dans le en rappel, et je vais faire la même chose aujourd'hui, plus tard dans l'émission. Man, c'est un groupe de Etobicoke! Oh, en Ontario. En Ontario. Et voilà, belle place. C'est incroyable. Belle place. Donc, Lanzarledge, qui d'ailleurs sont sur notre palmarès anglophone. En quelle position? Je peux pas vous le dire. Ah, c'est bon, hein? On l'a pas encore attendu, donc ça veut dire qu'il est en haut de la 10e position. Exactement. Ah. Donc, appelez-nous aussitôt que la musique commence et on va pouvoir vous faire donner un album et un macaron. Parce qu'on est gentil. On est fin de même. On vous aime. C'est fou, hein? On est fin. Ouais, je trouve qu'on est mongol. On est fin, on est intelligent, on sent bon des pieds. C'est on a... qui fait du bruit de main, attends un peu. Là. Qu'est-ce que tu fais? Parce que mon ordi, il commence à faire de la musique, puis je me demandais pourquoi, puis finalement, c'est parce que je suis sur la page de Hands Knowledge. Ça part seul, MySpace. Exactement, exactement. On est fin, on est intelligent. Avaler les fourmis du cibier. Lanzarledge. C'est ça. C'est pas ça, pantoute. C'est le disque qu'on fait tirer ce soir. C'est vrai. Mais, ce qu'on vient d'entendre, c'est People in Planes avec If You Talk Too Much, My Head Will Explode. Et juste avant, du côté francophone, c'était Nalé Confit avec la pièce Sous la table qui passe de la 14e à la 9e de leur album LP1. Exactement. Et j'ai envie de parler vite de quelque chose qui est connu depuis longtemps de beaucoup de gens et de pas du tout longtemps depuis par d'autres personnes. C'est-à-dire, est-ce que tu connais le principe mathématique qui parle de 7 degrés de séparation? Ouais, c'était pas 6. C'est 6 ou 7, on s'entend pas. Dépendant des sources, mais de toute façon, regarde, pour ceux qui ne savent pas, le 6 ou 7 degrés de séparation, c'est une théorie qui a tendance à devenir de plus en plus crue, ouais. Qui dit qu'on a un maximum de 7 degrés de séparation entre deux personnes prises arbitrairement au hasard sur la Terre. Je donne un exemple concret. On va prendre Mathieu Plante et Nikolai Popolovitch, qui est un débosseleur à la retraite en Russie. Eh bien, Mathieu connaît une personne à un point tel que cette personne-là, il dirait oui si il l'appelait pour prendre une bière avec. Okay. Donc, un bon ami. Proche. Cette personne-là connaît quelqu'un d'autre. Qui connaît Nikolai Popolovitch. Wow. Et ça marche vraiment, ça. Parce que moi, je savais pour les vedettes, là, par exemple, Kevin Bacon. Oui. Tu sais, 6 degrés de Kevin Bacon. Exactement. C'est vers là que je veux m'en aller. C'est que il y a un engin, un outil sur Internet qui s'appelle The Oracle of Bacon. Et ça a commencé, en fait, avec une blague entre plusieurs ingénieurs en informatique, qui d'autre, qui se sont dit que ce serait drôle d'être capable de relier n'importe qui avec Kevin Bacon par un outil de recherche. Et cet outil de recherche-là, ben, c'est que t'écris le nom de n'importe quel acteur ou actrice et ils vont faire un lien. Lui, un tel a joué avec un tel, que joue avec un tel, que joue avec un tel, que joue avec Kevin Bacon. Mm-hmm. Et tu nommes n'importe qui. Nomme-moi une vedette. Nomme-moi n'importe qui. Je vais te nommer Jessica Simpson. C'est l'actrice, hein? Jessica, oui. Ouais, bon, tiens, vas-y. Jessica Simpson. Ouais. Jessica Simpson, qui est probablement... parce qu'il y en a 5 qui sont sortis, là. OK. Jessica Simpson a un nombre de 2 pour Kevin Bacon. Jessica Simpson était dans Master of Disguise avec Eddie McClurg. Et Eddie McClurg était dans She's Having a Baby with Kevin Bacon. Ça a pas été long. Ça a pas été très très long. Un autre. J'aime ça. Jessica Alba, tiens. Je sais pas si c'est Jessica, je sais pas pourquoi. Jessica Alba. Jessica Alba était dans Awake avec Stephen Hinkle. Et Stephen Hinkle était dans Loverboy avec Kevin Bacon. Wow. Okay. Vas-y avec une vedette plus obscure. Une vedette plus obscure. Charlie Chaplin? Ok, choisis donc pour moi tant qu'à faire ça. Non, mais tu sais, sans dire que c'est obscur. Faut que je sois plus rapide que ça, c'est ça? Ok, je vais y passer pour la prochaine. Okay. Charlie Chaplin était dans The Great Dictator avec Don Brody. Don Brody était dans Murphy's Law avec David Heyman. Et David Heyman était Where the Truth Lies avec Kevin Bacon. Wow. Un nombre de 3. C'est très bon. Ok, vas-y avec une actrice extrêmement obscure. Stephanie Buxton. Stephanie avec un F. Buxton. Elle jouait dans Fries With That, une série canadienne, une comédie pour adolescents. Et Stephanie voilà, ça marche. Buxton était dans Wicker Park avec Erica Rosenbaum. Ça, je savais. Et Erica Rosenbaum était dans Where the Truth Lies avec Kevin Bacon. Hey, 2 degrés. 2 degrés. Faut le faire. On va y aller plus loin que ça encore. C'est extrêmement obscur. T'as-tu déjà écouté Watatatao? Ça m'arrive. Celle qui faisait la petite crise là, qui avait 12 ans, Marie-France Monette. Elle était fatigante, je l'aurais frappée. Mais gentiment, je veux dire. Marie-France Monette. Marie-France Monette était dans Ma soeur, mon amour avec Sonia Laplante. Sonia Laplante était dans The Five Senses avec Gabriel Rose. Et Gabriel Rose était dans Where the Truth Lies avec Kevin Bacon. Tu vois, ça vient de te prouver que ça marche vraiment. Là. Si Marie-France Monette marche... Là. Et on va y aller... On va terminer ça rapidement avec un dernier qui est... tu peux prendre n'importe qui avec n'importe qui d'autre. Oh! Donc, 2 vedettes, c'est ça? Non? 2 vedettes. 2 vedettes. Exactement. OK. Ça marche pas encore? Non, ça marche plus. Marche plus? Triste. Sniff. Non. C'est ce que je dis, sniff. C'est à triste. Ça. En tout cas, très bon site. C'est quoi l'adresse? L'adresse, c'est compliqué. C'est www.cs.virginia.edu/oracle. Mais, vous allez sur Google, vous écrivez Oracle et Bacon. Je pensais que t'allais dire, c'est pour ça qu'on a maintenant un blog. Et c'est pour ça qu'on a maintenant un blog! C'est fou.ca/palmarès, sans l'accent. Et voilà. Donc, c'est fou.ca/palmarès, sans accent. On a un blog qui va vous linker directement vers ça. On va linker un post. Et voilà. Dude. Sur le web. L'Internet, c'est tellement français. Yeah! Yeah! Ouais, tu sais-tu ce que ça me tente de faire? Non. Les Trompe-l'œil, Bouddha, Cinérôle. Au palmarès, c'est fou. Vas-y, mon gars, lâche-moi l'os. Whiskers, Carfire, Winker, Parkour. Nine Black House. Vas-y. On entend Nine Black House avec Cosmopolitan, qui était la 10e la semaine dernière, et en 8e cette semaine. Et juste avant, on a entendu les Trompe-l'œil avec Bouddha Cinérôle, qui est passé de la 4e à la 8e, donc descend de 4 places, un single de l'album, et qui s'en vient incessamment. Incessamment? Uh-huh. Wow. C'est beau. C'est quoi le nom de l'album? Je sais pas. C'est pas encore? Ça pourrait être Malajube, parce que, tu sais. Pense-moi dans le disque, bon. On comprend la chose. Ben, c'est une boîte vide. Ah, c'est une boîte vide avec un CD écran à mitaine. C'est exactement ça. C'est un MP3 qu'on a reçu, comme ça, du label. Hein? C'est impromptu, comme qu'on dit. Des gentils gens chez ce label indépendant. Maintenant, c'est l'heure de faire le top des ventes. Vas-y, donc, mon gars. Les albums les plus vendus selon Nielsen SoundScan pour la semaine qui se termine aujourd'hui, le 6 avril 2006. Et on parle ici d'albums qui se sont vendus au Canada. Canada. Pas aux États-Unis, au Canada. Mm-hmm. OK. Donc, en cinquième position, on retrouve une nouvelle entrée. L'album Educated Horses de Rob Zombie, qui est d'ailleurs sur notre palmarès et qui n'a pas encore joué, donc qui est en remontée. Ce que ça veut dire, c'est ça, qui est en remontée sur notre palmarès. Exactement. Ouais. En quatrième position, on retrouve l'album de Jack Johnson and Friends, Curious George Singalongs, qui était la semaine dernière en troisième position. Ça fait 8 semaines que c'est là. Ouais. En troisième, une nouvelle entrée, Tim McGraw avec Greatest Hits Volume 2. Mm-hmm. Mm-hmm. En deuxième, l'album de Pierre Lapointe descend de la première place à la deuxième place. Oh. Donc, avec l'album La Forêt des Mal-Aimés, qui, lui non plus, n'a pas encore joué. Ce qui veut dire qu'il est en remontée chez nous. Oh. C'est le fun. Et en première position, retour en première position de l'album de James Blunt, Back to Bedlam, pour la 34e semaine. Il était en deuxième la semaine dernière, en première il y a 2 semaines. Donc, il a juste fait un petit saut pendant une semaine pour laisser la place à Pierre Lapointe. Mais bon. Dans les autres nouvelles entrées, en 9e position, l'album des Yeah Yeah Yeahs, Show Your Bones, qu'on a fait jouer il y a quelques minutes. Donc, en 9e place. En 20e, Atreyu, avec Death Grip on Yesterday. Mm-hmm. En 24e, TL, avec King. En 26e, Various Artists, donc une compilation More Country Heat 2006. Un jour, je vais me faire sortir un album, puis le nom du groupe, ça va être Various Artists. Ça serait vraiment une bonne idée. J'aime vraiment ça. Comme l'émission qui s'appelait l'émission de radio. Ça s'appelait une émission de radio. Ça jouait sur C'est fou l'été passé. En tout cas. Ça, puis où tu t'appelles Plus Invité. Fait que t'es sur les posters de tous les spectacles. En 43e, on retrouve une nouvelle entrée de Black Eyed Peas avec l'album Renegotiations. Renegotiations, The Remixes. Mm-hmm. En 60e position, le nouvel album de Massive Attack Collected vient d'entrer. En 82e, on commence à en avoir beaucoup des nouvelles entrées. Cubanito, ouais, avec Partir. Ouais. Et en terminant, la 94e position, un nouvel album, Matt Costa, qu'on adore, qu'on a reçu l'album à la Chanson Coureur récemment. On avait vraiment aimé ça. L'album s'appelle Songs We Sing. Et il n'y a pas d'anniversaire qui s'en vienne. Donc, c'est dommage. Mais il y a quand même beaucoup d'albums qui sont là depuis 80 semaines, dont Green Day et Keith Urban. C'est nice. C'est fort. Je suis en train de chercher pour le nom du nouvel album des Trompe-l'œil. Mm-hmm. Et malheureusement, je le trouve pas, mais une chose que je sais, c'est que la chanson qui joue là, sur la palmarès présentement, eh bien, Bouddha Cinérôle, c'est réalisé en collaboration avec la formation Navet Confit. C'est vrai. C'est vrai. Et puis, ils sont très, très liés, eux aussi, un petit peu comme Kevin Bacon, ils sont liés avec Malajube, avec le Husky de tantôt aussi. Tout le même monde, l'espace du monde. C'est beau à voir, la complicité, la synergie. C'est là, ouh! Rare, sont beaux, sont frères, que j'arrête de penser. le top 5 des années. Mathieu, il y a un kick sur eux autres. Mathieu, il y a un kick sur Trompe-l'œil. En cinquième position sur les pièces. Ils vont s'en aller dans un coin de la pièce. Ils vont faire des bonnes chambres. Okay, ça. Donc, en cinquième position, des pièces les plus vendues sur Apple iTunes. Tu dis ça juste parce que t'es trop cute. C'est vrai. En cinquième, on retrouve Sean Paul avec Temperature. En quatrième, c'est Natasha Bedingfield avec Unwritten. En troisième, Rascal Flatts avec What Hurts the Most. En deuxième, c'est T.I. avec What You Know. Et la pièce la plus vendue est Daniel Powter avec Bad Day. What Hurts the Most. Je peux te le dire, mais c'était un bon coup de pilingue. C'est vrai, par exemple. C'est vrai ce qu'il dit. Et en passant, pour ceux que ça intéresse, l'oracle de Bacon, j'ai mis le lien, c'est fait, palmarès. C'est fou.ca, / palmarès, c'est l'adresse. / vers l'avant, là. C'est comme slash. Ça. Slash. Chou, chou. C'est malade. On s'en va écouter, nous. C'est le fun, t'es fin, t'es beau, t'as de l'entre-gens. Mon Dieu, mais on dirait que tu parles au gars de trompe-l'œil. C'est vrai. Je suis kick, tu peux pas savoir. AS Dragon, comme je suis, est en 7e place par rapport à la semaine dernière. C'est une remontée de 8 places. 8 places. Deuxième extrait de l'album Va chercher la police. C'est vrai. Et ce sera suivi de Korn avec Coming Undone, qui était en 5e la semaine dernière et qui s'en va en 7e cette semaine. Descente de 2 places. Ouais. Moi, tu sais-tu ce que je dis à ça? Bye bye. C'est comme ça que je suis. Comme je suis. C'est la pièce de AS Dragon. Je ne... Et pas là depuis assez longtemps pour qu'on fasse des jeux de mots avec. C'est pas... Je te réponds plus. Seulement 2 semaines. C'est... Ouais. Ça, c'est pas la bonne tune. C'est ben trop vrai. T'es fin de me dire ça. Okay. Je connais pas la pièce que tu vas faire jouer, mais je sais que c'est pas celle-là. C'est comme je suis la pièce. C'est celle-là. Ici. Très pratique. C'est vraiment c'est une bonne affaire d'avoir ça. Belle invention. Ça. C'était Korn. Korn! C'est une belle invention, ça, Korn, avec Coming Undone, qui était notre 7e. C'est vrai, c'est une belle invention. J'aime ça. Juste avant, on a entendu AS Dragon avec Comme je suis remonté de la 15e à la 7e de l'album Va chercher la police. Ben oui, pourquoi pas. Au palmarès, c'est fou avec Jack. Salut! Et Mathieu Plante. Salut! Allô! Salut! Ça va bien, vous autres à la maison, j'espère que oui. Oui, ça va bien à la maison. Ça va bien. Non, tu vas pas commencer ça. Vous entendrez pas ça ici, en je t'interdis de commencer ça. Vraiment pas. OK, bon. Qu'est-ce qu'on fait, là? On s'en retourne dans la musique, là. Ouais. Fais-tu passer la pub? Oui, c'est fait. C'est tout fait. Merci de prendre soin de moi ça comme ça. Plaisir. C'est tellement C'est tellement professionnel de se le rappeler en ondes. En aussi. Plus! Je suis en train de découvrir les flux RSS, moi, là. C'est vrai. Mais ce que j'expliquais à Jack, pour ceux qui connaîtraient pas ça, parce qu'on voit souvent, de plus en plus, je dirais, sur les sites de nouvelles, par exemple Radio-Canada, Branchez-vous, Clubic, des sites d'informatique comme ça, n'importe quoi, des sites généralistes de musique, par exemple. Vous allez voir un petit icône orange avec des ondes dessus. Ça ressemble à... C'est marqué des fois RSS, des fois c'est écrit XML, des fois c'est écrit un paquet d'autres langages différents. Mm-hmm. Ce que c'est des flux. On appelle ça des flux. Ça n'a pas de rapport avec la maladie, là? Vraiment pas. Non. Moi, j'appelle ça des fils de nouvelles. Uh-huh. Donc, dans la connexion l'émission d'informatique que j'anime, j'appelle les nouvelles, d'ailleurs, le fil. Ah. C'est pour ça, c'est un fil de nouvelles. Ce que ça fait, c'est qu'il y a des logiciels qui existent, par exemple Mozilla Thunderbird, qui est fait par ceux qui font Firefox. Mm-hmm. Donc, soit tu peux avoir un logiciel sur ton ordinateur ou un site web comme roho.com, rojo.com, qui est un bon site d'agrégateur. Mm-hmm. On appelle ça un agrégateur. Ah. C'est-à-dire que ça rassemble toutes les nouvelles. Donc, ça les agrégate. Ça les agrégate. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends l'adresse qu'on va te donner sur le bouton en cliquant droit en faisant copier le lien. Ça peut être, par exemple, mettons, www.cubic.com/news.xml ou n'importe quoi, quelque chose du genre. Parce que si tu prends cette adresse-là, tu la copies dans ton logiciel, soit sur le web, soit dans ton ordinateur. Et en ayant plusieurs, ça va l'épuiser à chaque heure ou chaque 15 minutes pour vous afficher vos nouvelles dans une même interface. Est-ce que tu as un lien sur Internet qui serait un tutoriel de comment ça marche? Ça serait-tu le fun si j'avais ça? Hein? Ça tombe drôle. Hein? Je vais mettre ça sur quoi? cif.ca/palmarès sans l'accent. Hein? Ça va être beau. Ça va être très beau. Je vais vous envoyer la définition de Wikipédia qui vous explique ce qu'est un flux optique. C'est une vieille pièce qu'on passe assez fou, ça. Mais oui, tu me donnes le goût de l'écouter, d'ailleurs. Ça te donne le goût de le mettre dans le palmarès à rater. Oui. En tout cas. Donc, je vais mettre le lien vers la définition de Wikipédia et vers un logiciel que j'aime particulièrement qui s'appelle Mozilla Thunderbird et vers un site web, roho.com, justement, qui vous permet de puiser ces nouvelles-là, à même le web. Donc, que vous soyez au travail ou à la maison, vous allez pouvoir avoir vos mêmes nouvelles. C'est magnifique. Wow. J'aime ça. C'est beau. C'est tellement beau. Moi, j'utilise ça pour préparer mon émission parce que tu mets des petits drapeaux à côté des nouvelles que tu apprécies particulièrement. Oh. C'est fun. Donc, c'est tellement beau. C'est fin. Oui. OK. Donc, c'était la leçon de la semaine. On a un prix à faire tirer. C'est vrai. On a un disque. On a d'autres. On a trois en tout. Et voilà. Et c'est voilà. Beau à voir. Donc, on a un disque de la formation Lens Hallage à faire tirer. Aussitôt que la musique va recommencer, on va pouvoir donner ça à la première personne qui nous appelle. Tiens. On s'attaque à ça. Là, nous autres, on s'en va là. T'sais. Donc, appelez pour l'album de Lens Hallage qui s'appelle The Hope Museum. Vous avez qu'à téléphoner au numéro de téléphone suivant. 376-5183. Ou si vous voulez vous prendre d'avance pour les numéros à 10 chiffres, le 819-376-5183, 819-376-5183, c'est simple. Vous appelez. C'est de la bonne musique. Vous allez l'entendre tantôt, ça va être le numéro 1. On va d'ailleurs en faire tirer un après que la pièce ait joué aussi. Mais ça va être très bien. C'était le numéro 1. J'ai-tu dit ça? Oui. J'ai vraiment dit ça. Oui, tu l'as dit. J'ai vraiment, je me suis vraiment faire jouer là-dedans. C'est ça. C'est fun de faire ça des fois. Ça change le beat. On n'a plus de surprise pour la première position. Est-ce que les gens veulent vraiment, tu sais, vraiment s'attendre à une surprise quand ils sont tous postés sur le site de toute façon? En tout cas. On n'en parle plus. 376-5183. On s'en sort. Serge Blanc d'Amérique est le nom de l'album. Je chante pour les morons et le nom de la pièce. Voici mon nom Serge. Au palmarès, c'est fou. Appelez-nous. On a un gagnant. Là. Tu vois en train de répondre au téléphone, c'est fun. On vient d'entendre la formation D, c'est bien ça? Oui. Avec la pièce Real, en parenthèse, Summertime. Oui, qui passe de la 15e à la 6e. Et juste avant, du côté francophone, c'était Mon oncle Serge avec Je chante pour les morons. Très bonne chanson, d'ailleurs. Et félicitations à M. Pierre Saussier, qui est notre gagnant, ben, un de nos gagnants pour le disque de Lance Hollage. C'est pas lui qui animait un téléservice, non? Je sais pas, faudrait demander. Claude Saussier, ça c'est. Et Claude Saussier. Et il gagne donc le disque et un macaron. Et donc, mais cute, tout petit macaron, il était mignon. C'est donc, la mode. Les macarons gros, c'est lettre. Et le macaron petit, c'est in. Absolument. Oui. In, comme les palmarès, c'est fou. Exactement. C'est aussi très in. Restez à l'écoute, on va avoir d'autres disques à faire tirer dans le courant de la soirée. Oui, c'est toujours fun, de Lens Knowledge. Dans à peu près une heure, on va voir la chronique cinéma. Mm-hmm. À savoir qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui sort à nos écrans cette semaine. On va aussi balayer le plancher. On va parler de gens stupides qui font des choses stupides. Exactement. Et plein d'autres belles choses, là. Ça va être beau. Oui. Vraiment beau. Mais maintenant, on entre dans notre top 5. Oui, parce qu'il est maintenant 17h05. Donc, top 5, 17h. 19h. 19h, c'est 7h05. On a changé l'heure, tu sais. Ouais, je suis tout mêlé, là. Voilà. Bon, avis à ceux qui n'ont pas encore changé leur heure. C'est pour ça que ça fait une semaine que vous êtes en retard à job. C'est pour ça que votre patron vous fait chier. Et voilà! Et voilà! À part si c'est un con, mais je le connais pas, votre patron. Je... Non, c'est sûr. Donc, notre top 5. On commence par la 5e position francophone, Mimi Van Der Glo avec Vert de Terre. C'est une nouvelle entrée pour... pas une nouvelle entrée, mais une deuxième entrée. Genre une deuxième toune, deux autres qu'on a sur le palmarès. Deuxième extrait. Voilà. C'est bien dit, j'aime ça. Ouais. Qui passe de la 9e place à la 5e place. Et, voilà. Et si on y va avec la 5e position anglophone, je n'ai pas entendu encore, mais c'est Foxy Foxy de Rob Zombie. Foxy. C'est pas ça, pas en tout, la toune. Non, pas du tout. Donc ça on ressemble pas à Rob Zombie. Foxy. Oh yeah. Tididididid. Quelque chose de joyeux, là. Non, pas Rob Zombie. Mimi Van Der Glo. Oui. Vendetteur. Et de go. De hein? Et de go. Ne passez pas Van Der Glo, ne réclamez pas 200$. Van Der Glo. Rob Zombie, tiré de l'album Educated Horses. C'est la pièce Foxy Foxy. C'était la 5e position cette semaine. Grosse remontée de 8 places pour ce Legend 5e. Et ça a été précédé de la 5e position francophone de la formation Mimi Van Der Glo. C'était la pièce Vert de Terre qui est une remontée de 4 places de la 9e à la 5e position. J'ai vu là, il y a 2 semaines quand Mephisto a ouvert l'album de Rob Zombie devant moi, un petit encart publicitaire qui est tombé. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je viens de faire une petite recherche là-dessus rapidement. Et en 2007, c'est bien ça, 2006, cette année, il devrait avoir un film d'animation qui va sortir au cinéma, qui s'appelle The Haunted World of El Super Beasto. Qui j'ai aucune idée si ça va être traduit en français et qu'est-ce que ça va être le titre. Mais c'est basé sur le dessin, sur le comic de Rob Zombie qui s'appelle The Haunted World of El Super Beasto. Et c'est donc un film d'animation qui va suivre les aventures de El Super Beasto et sa sidekick sexy et sensuelle et son amoureuse Susie X. Donc c'est le film qui devrait sortir, le film d'animation cette semaine. Le film de Rob Zombie. Ah ouais. Ah ouais. Sérieux, regarde-moi ça. Et le personnage la personne qui va interpréter le rôle de Susie X, pardon, c'est Sherry Moon. Et Sherry Moon, pour ceux qui ont vu la pochette de l'album American Made Music to Strip By, qui est un album de Rob Zombie, c'est elle qui est sur la pochette. C'est elle qui a pas de linge sur la pochette. Je peux-tu la voir? Je peux aller chercher ça tantôt. Cool. Et c'est aussi la femme de Rob Zombie. Mm. C'est Sherry Zombie. Sherry Zombie. Si c'est pas sa femme, en tout cas, dans la pochette de l'album, c'est marqué Thank You, Sherry Zombie. Peut-être qu'elle était sa femme quand l'album est sorti. Peut-être aussi, on sait jamais. Hein? Les vedettes américaines à star de nos jours. T'as n'importe quoi pour attirer l'attention. Parle-moi ça même pas. Je peux arrêter tout de suite. OK. Ça veut dire qu'on va aller écouter les 4e positions francophones et anglophones. Mm-hmm. Donc, 4e position en francophone cette semaine, c'est la formation de Paul Amarini et les Nouveaux Mariés, avec l'ex-première position de la semaine dernière, c'est-à-dire Guerre Academy. Yeah, et ensuite de ça, on va entendre du côté anglophone Madcaps avec Higher, qui était notre ancien numéro 1 de la semaine passée. Et voilà, donc c'est plus une surprise pour personne, surtout que Mathieu l'avait dit tantôt, c'est quoi la première? Si tu avais arrêté d'en parler, on l'aurait oublié. Reste à l'écoute, probablement, très très très probablement, dans les prochaines 15 minutes, un autre album de Lance Hollage à faire tirer. C'était les Madcaps! Madcaps avec Higher! Descente de 3 places. Oui, monsieur. Et ça a été précédé de la formation de Paul Amarani et les Nouveaux Mariés avec Guerre Academy. Qui était elle aussi numéro 1 de la semaine dernière. C'était respectivement nos deux premières positions. C'est donc dire qu'il y a du nouveau, il y a du balayage qui se fait, il y a du changement, il y a de la convection. C'est beau, ça. Est-ce que tu sais, est-ce que tu vois mon image avec la convection? La convection, là, c'est ce qui fait que quand ça chauffe, là, quand c'est en effervescence, ouais, ça remonte sur le dessus. Ah. Ce qui refroidit un peu descend dans le fond. Ah. Ce qui fait des bouillons dans lave. C'est donc bien beau, c'est comme de la soupe. Et voilà. Ça me donne faim. Et voilà. On est en plein dans la soupe de position, là. Donc, prochaine nouille. On s'en va à la troisième position du côté francophone. C'est le monde de Antoine Graton qui passe de la septième à la troisième. Exactement. Et en troisième position anglophone, ce sera la formation Our Mercury avec Shawana Don't Wanna. Shawana Don't Wanna, Shawana Don't Wanna. Exactement. C'est ce que ça dit, ça. C'est ça la toune. Shawana Don't Wanna. Shawana. Comment ça s'appelle? Shawarma. Ça, c'est Falafel. Shawana. Falafel. Shishtaouk. Une souris verte. Libanais. Ouais, c'est ça. Shish kebab. C'est shawarma, le plat libanais. Un shawarma, c'est vrai. Shawarma, je pense. Quelque chose comme ça. Pas libanais pendant tout, ça parle. Couscous. Couscous? Couscous. Je n'ai plus d'autres. L'essentiel de du notre... riz. Hiero. Non, ça c'est grec, ça. Des fajitas. Ça c'est mexicain. C'est vrai. Non, le début. Du chameau. Chameau? Jamais je croirais qu'ils font pas cuire de chameau. Ben peut-être. En fait, oui, c'est vrai. La bosse du chameau peut servir pour sauver la vie. Si t'es pris dans le désert là, puis t'as un chameau avec toi là, tu peux comme couper une tranche de bosse de chameau. Et là, j'invente pas ça là, je l'ai vraiment lu là. Tu peux couper une tranche de bosse de chameau et c'est des corps gras. Donc tu peux faire comme cuire ça ou tu sais juste pour le stériliser là, pour poigner des bébites là. Puis ça se mange et tu peux survivre grâce à ça. Puis le chameau, à part l'incision de la peau, ça lui fait pratiquement pas mal et a pratiquement aucun dégât parce que c'est vraiment que du corps gras qui va se refaire. OK. OK, donc tu peux couper la bosse de ton chameau ou tu peux couper les gosses de ton boss qui s'appelle chameau. Oui, sauf que la deuxième option te garantit pas de garder ta job la semaine d'après. Ah, je savais qu'il y avait une faille dans mon plan. Ah, c'est vrai, t'as perdu ta job, toi, hein? Chez chameau. Chez chameau. OK, on est dans nos bulles. Chut, allons-y, écoutons de la musique. Après ça. Ah, ouais, c'est ça. Hey, qu'est-ce qu'on écoute? Antoine Graton, Le Monde. Non, mais les gens qui sont à la maison, qu'est-ce qu'ils écoutent? Ah, les Pomarais, c'est fou. Et voilà. C'est 89.1. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on a à dire. C'est pas mal ça, ouais. Exactement. Our Mercury avec Shawana Don't Wanna. La troisième position anglophone. Et juste avant, on a entendu Antoine Graton avec Le Monde, remonté de la septième à la troisième cette semaine sur notre palmarès. Exactement. Et mon cher Mathieu, vu que c'est toi qui es enclin de technologie ici, c'est vrai, ça. Qu'est-ce que tu dirais de nous dire comment nous contacter? Il y a tellement de façons. C'est le fun que tu me le demandes. Hein? Les gens peuvent nous téléphoner au 819-376-5183. Exactement. Ils peuvent nous envoyer un courriel ou chatter sur MSN à l'adresse palmarèscifou@hotmail.com. Il y a trop d'informations, Matt. Continue. Déjà? Continue. Et vous pouvez aussi aller voir notre blog. Ouais. Au palmarès, cifou.ca/palmarès. Exactement. cifou.ca/palmarès. Exactement. Et d'ailleurs, je suis en train de le mettre à jour en ce moment même. Oh! Je suis en train, gars. Clic, clic, clic. On l'entend pas pendant tout. Bon, écoute, je fais une belle imitation avec ma voix. Ah, mais bravo, t'es donc bien bon. T'es bon imitateur. Il reste une vingtaine de minutes avant le palmarès en rappel. Et d'ici le début du palmarès en rappel, on va voir la chronique cinéma qui s'en vient. Les nouveautés en région et les nouveautés partout au Québec. Évidemment, il y a plusieurs films qui sortent. qu'à Montréal ou que dans les cinémas spécialisés. C'est dommage. Et bizarrement, il y a plein de gros noms. Je vois un film qui sort cette semaine avec Vin Diesel. Ouais. Et qui ne sort pas en, dans les cinémas de la région. On parle de... Je me rappelle plus. Il ne sort pas dans la région. Ah ben. C'est incroyable. Hein? C'est dans mes plats. Un petit peu. Lequel, il y en a beaucoup qui sortent par contre cette semaine. Dont on connaît les Bad Farmers. Find Me Guilty. Uh-huh. C'est Find Me Guilty. Donc, ça va sûrement sortir bientôt, mais peut-être plus tard, dans le mois. Peut-être. On sait pas. Peut-être. On ne sait pas du tout. Et ça, c'est des films, des fois, qui peuvent être des films de dette. Comme par exemple, Vin Diesel aurait demandé du financement pour un film. Mm-hmm. Le producteur lui dit « Ok, mais tu joues dans tel autre film à petit budget. » Ok, ouais. Ça peut arriver, ça, des arrive, fois. Ça arrive, je savais pas. Okay. C'est, entre autres, si je me trompe pas, parce que là, il y a un... C'est revenu sur la glace, mais il y a un piège de cristal 4 qui se prépare. Mm-hmm. Ouais. Et ce que j'ai compris jusqu'à là, c'est que Bruce Willis a accepté ce rôle-là de revenir pour le Lethal Weapon. Non, c'est pas Lethal Weapon, c'est merde. Die Hard. Die Hard. Die Hard. Puis là, ça serait Die Hardest. Non, parce qu'il y a eu Die Harder à un moment donné. Hein? C'était Die Harder, Die Hard with a Vengeance. Uh-huh. Puis là, ça serait Die Hardest, probablement. OK. Ils ont botché sur le troisième en l'appelant de même, c'est plate. Et voilà. Et là, ce qu'ils disent, c'est que le prochain film, Bruce Willis aurait accepté de le faire en échange de financement sur un projet personnel. Mm-hmm. Donc, le contraire peut se faire aussi. Puis les acteurs qui acceptent des gros rôles en acceptant des petits en même temps. C'est bon? Ouais. J'aime mieux ça. Tout ça pour dire qu'il y a un film de Vin Diesel qui n'est pas présenté à Trois-Rivières cette semaine. De toute façon, la chronique cinéma, c'est pas maintenant, c'est tantôt. C'est dans quelques instants. Pour l'instant, on va aller écouter les deuxièmes positions francophones et anglophones. On les nomme pas. Que l'on ne nomme pas, mais que l'on va quand même accepter comme si. On les aime quand même. Parce qu'on les adore. On les adore, c'est les meilleurs. Exactement. Donc, pas encore. C'est pas encore les meilleurs parce qu'on est en deuxième. Non, pas ceux-là. Mais attention. Hey, attention. Attention. Hey. On va le répéter juste une fois. Deuxième position francophone et anglophone à l'instant même. Évidemment, 376-5183 pour nous rejoindre en studio. 5 coin-coin. Hey, appelez-nous donc 376-5183 pour un CD de Lenz Hallage là. Fini sexe? C'est... On la nommera pas, on dira pas ce que c'est, mais... Mais ça va être un podcast, par exemple. Et voilà, ça sera un podcast. Parlant de podcast, sérieusement, vu que dans WordPress, dans le logiciel que j'utilise pour faire le blog des palmarès, c'est fou, quand tu postes un MP3, ça devient un podcast immédiatement, donc les gens peuvent s'inscrire à un podcast, c'est-à-dire télécharger les MP3 directement sur leur lecteur MP3 s'ils le veulent. C'est bien donc joli! J'essaierai de poster les instructions pour faire ça, toujours au cif.ca/palmarès. C'est bien donc joli. Mathieu, une chance que t'es là. Merci beaucoup de nous prendre par la main pour des choses comme ça, parce que sinon, on serait pas capable de le faire tout seul comme un grand. C'est donc bien fun. Et merci à toi que de je respire. Faire une chronique cinéma tout de suite. Oui, monsieur! Cette semaine, on a plusieurs sorties cinéma. Bizarrement, pratiquement aucune à Trois-Rivières. Je les ai comptées. Il y a 14 sorties cinéma cette semaine. Je vais les nommer et rapidement parler de celles qui ne sortent pas. Et ensuite, me passer plus de temps sur celles qui vont sortir. On va commencer avec Brick, qui n'est présenté qu'en version originale en anglais. Brendan Fry, élève solitaire dans une école secondaire du sud de la Californie, reçoit un coup de fil de son ex-petite amie Emily, qui dit craindre pour sa vie. Croyant qu'elle cherche à le manipuler, l'adolescent ne la prend pas au sérieux. Or, le lendemain, la jeune fille est portée disparue. Aussitôt, Brendan décide de partir à sa recherche, flanqué de son copain The Brain. Après avoir découvert le corps d'Emily dans un terrain isolé, le détective en herbe décide d'ouvrir sa propre enquête dans l'enceinte même de son école. Ses entretiens avec des témoins récalcitrants et des complices potentiels le conduisent à The Pin, un trafiquant de drogue de l'école. Ça a l'air intéressant quand même. Ça a l'air intéressant. C'est un film noir américain. Ouais. Je serais très curieux de voir ça quand même. Avec Joseph Gordon-Levitt qu'on a vu dans 10 choses que je déteste de toi et de très belles filles comme Emily DeRaven et Megan Good. C'est très possible. Ça, je te laisse être juge de ça. Mais c'est vrai. On continue avec Find Me... Donc, je rappelle que les films que je vais nommer ne sont pas présentement à l'affiche à Trois-Rivières. Find Me Guilty, mettant dans la vedette Vin Diesel. Et Annabella Sciorra. Le drame sur le procès de la mafia le plus long de l'histoire des États-Unis. Jack DiNorcio, c'est ça, choisit de se défendre lui-même face à une panoplie d'accusations. 76, pour être exact, afin de ne pas trahir sa famille. En guillemets, ben oui. Un film de Sidney Lumet. Oui, monsieur. Et voilà. Free Zone, toujours disponible en version originale en anglais. Deux femmes s'embarquent dans un road trip par un concours de circonstances. Rebecca fuit son hôtel après une dispute avec sa belle-mère et monte dans un taxi conduit par Hannah. Mettant en vedette Nathalie Portman, entre autres. Ouais. C'est une coproduction entre la Belgique, l'Espagne, la France et l'Israël. Keen, version originale en anglais. Un homme dans la trentaine cherche désespérément sa fille dans le terminus d'autobus de New York. Mettant en vedette des noms que l'on ne connaît pas. C'est un drame. Les Parrains, version originale en français, qui est sous-titrée en anglais, devrais-je dire. Serge, Lucien, Henri, trois copains éparpillés à travers le monde. Après un casse foireux, Max, leur pote, s'est fait pincer. C'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, pour fêter la prescription, Max leur révèle enfin où il a planqué le magot. Mais avant de toucher leur part, ils devront décider si Rémi, son fils, est digne de toucher la sienne. Mettant en vedette Jacques Villeray, il est pas mort, lui? Ben oui. Ben, je sais pas. Ben oui, il est mort, mais écoute, c'est post-mortem, qu'est-ce que je te dis? Ah ben, c'est un film produit par TF1, la chaîne française. Peindre ou faire l'amour, présenté en version originale française, c'est un film français, ça m'intéresse pas. Fat Girls, présenté en version originale en anglais. Un designer de mode de taille forte tente d'être accepté et aimé. Mettant en vedette Monique, Ames Jackson et plein d'autres noms que je ne connais pas non plus. Et voilà. Sidekick, ça a l'air très drôle ça. En tout cas, c'est intéressant. Consultant informatique au tempérament faible, Norman découvre qu'un collègue a des habiletés télékinétiques qu'il ne soupçonne pas. Il décide donc de la former à devenir un vrai super-héros. Et c'est apparemment un suspense et non pas une comédie. Mettant en vedette David Ingram et Perry Mucci, que je ne connais pas. Et enfin, Thank You for Smoking, version originale en anglais. Je trouve ça bien. C'est une comédie satirique et qui met en vedette Aaron Eckhart, qui était, pour ceux qui l'ont écouté, le méchant dans la paye. PD. Oh. Il y a aussi William H. Macy. Ah oui, ben oui. Le porte-parole d'un grand fabricant de tabac tente de rester un modèle pour son fils de 12 ans. Ah. Je trouve ça intéressant comme idée de film. Mais il y a Katie Holmes là-dedans. Katie Holmes aussi? Ouais. Oh, ouais. Entrons maintenant dans la danse des films qui sont présentés cette semaine au cinéma. Il reste Maroc, présenté en version originale en français. Casablanca, l'année du bac. L'insouciance de la jeunesse dorée marocaine et tous ses excès. Courses de voiture, amitié, musique, alcool. Mais aussi les premières histoires d'amour et l'angoisse de passer à l'âge adulte. Maroc, comme un Maroc que l'on ne connaît pas, à l'image de Rita, 17 ans, bien décidée à vivre comme elle l'entend. C'est un film qui met en vedette Moriana El Alaoui, Mathieu Boujna, Razika Simosrag et plein d'autres noms que je ne serais pas capable de prononcer, quand bien même j'essaierai. Fatim Layachi est sur la couverture du Voir cette semaine et c'est bien. C'est quelqu'une? Ouais. Oh. Et c'est une coproduction entre la France et le Maroc. C'est coté 5.8 sur 10 après 46 votes. Donc on voit la direction que ça prend, mais c'est toujours pas définitif. On continue donc. Je m'excuse, ce que j'ai dit tantôt, c'est pas la fille qui est sur le Voir, c'est la fille de Un Dimanche à Kigali. Ah, d'accord. Qui a un nom, je crois que c'est Fatima elle aussi, c'est pour ça que je l'ai mêlée. D'accord. C'est pas grave. On continue avec Entrée dans la danse, mettant en vedette Antonio Banderas et plein d'autres noms. Un danseur professionnel devient volontaire pour enseigner la danse dans une école publique de New York. Qui reprend un scénario réchauffé qu'on a entendu des millions de fois. Ouais, ça a déjà été fait. Mais qui, quand même, a l'air d'être plus apprécié que les autres quand il est coté 6.6 sur 10. Ce qui est pas bon, mais qui est plus que médiocre. C'est vrai, c'est vrai. On continue avec Un Dimanche à Kigali. Version originale en français. Ce film sort le 12 avril, donc mercredi prochain. Printemps 1994. Kigali. Capitaine du Rwanda au cœur de l'Afrique. Là, le synopsis est extraordinairement long. Là. Quelques mois plus tard, après avoir rencontré quelqu'un qui est cute, alors que près d'un million de Rwandais ont été massacrés, Valco revient à Kigali et recherche désespérément la femme qu'il aime. Au terme de cette quête, acharnée, retrouvera-t-il Gentille? Et s'ils sont réunis, leur amour survivra-t-il aux blessures d'une guerre fratricide? Fratricide. Okay. C'est beau, hein? C'est beau. Je pense que ça dit ce que ça a à dire, même si j'ai sauté trois paragraphes. Donc, Luc Picard, la fille que je disais tantôt, donc Fatou Ndiaye, c'est elle qui est cute, puis Céline Bonnier. C'est un film québécois. Évidemment, le film n'est pas encore sorti, donc il n'y a pas encore de cote. Et voilà. On continue avec Les Benchwarmers, deux petits points, ça chauffe sur le banc, version française de The Benchwarmers. Gus et ses deux amis, Richie et Clark, délaissés, sont engagés par un millionnaire qui veut former une équipe de baseball et affronter les plus méchants joueurs des plus méchantes équipes des ligues mineures. Gus est si doué pour le baseball qu'il devient vite un modèle pour les exclus comme lui. Benchwarmers mettant en vedette Rob Schneider, David Spade, John Heather, John Lovitz. John Heather, qui, si je ne m'abuse, était Napoleon la vedette Dynamite. Napoleon Dynamite. Présentement, il n'y a pas assez de critiques qui ont donné des notes sur le film, mais 15 votes jusqu'à date lui ont donné une moyenne de 4.4 sur 10. Bon. Adam Sandler, c'est quand même un salaire bon. Adam Sandler? Oui, Adam Sandler, il y a dedans. Ah, ça me surprend pas. Rob Schneider est là-dedans. C'est vrai. Ils font tout ensemble, ces maudits-là. Mais c'est quand même Adam Sandler qui a produit le film, donc c'est ça. D'accord. On continue avec Bonne Chance 11, qui est une version française de Lucky Number 11. Qui est un jeu de mots. Et voilà, Lucky Number 7. Mais tu sais, tu peux pas traduire ça en français. Non, je sais bien, mais quand même. Sur fond de guerre des gangs entre Nord-Américains et Juifs, un jeune homme est confondu avec son ami qui lui sous-loue son appartement et se retrouve forcé d'assassiner le fils d'un boss du crime organisé. Ça a l'air intéressant. Ok, donc noir contre juif. Et voilà. Et les critiques disent jusqu'à date que c'est une belle surprise parce que on n'a pas beaucoup entendu parler de ce film-là avant qu'il sorte. Mm-hmm. Et ça met quand même des gros noms en vedette. On parle de Josh Hartnett, Bruce Willis, Morgan Freeman, Lucy Liu et Michael Rubenfeld. Stanley Tucci. Et voilà. Mm-hmm. Donc, 7.1 sur 10 après 1400 votes jusqu'à date. C'est la première fois que je vois le genre, tu sais, d'habitude dans le genre, t'as dramatique, comédie, etc. Là, t'as le genre gangsters. Ah! C'est ça le genre du film. C'est une catégorie juste pour les gangsters. C'est, c'est bon à voir. Donc, c'est ce qui met fin au film présenté à l'affiche cette semaine. Je serais curieux d'aller voir Bonne Chance 11, hein? Ouais, moi aussi, non, ça a l'air bon, ça. Les Benchwarmers pour une comédie, ça a l'air bon aussi. Ouais, ben je sais pas. Les cotes jusqu'à date, regarde, si je vais sur Metacritic, les 15 personnes qui ont voté lui ont donné 4.4. Si je vais sur Cinoche.com, il y a une personne qui a voté et il lui a laissé une note de 1 sur 10. Pas sur 1, là. C'est et 1 étant le plus bas. Donc, je sais pas. Je vais peut-être attendre qu'il sorte en vidéo. Je pense que c'est un bon choix. Ouais, hein? La fin de semaine passée, du 31 mars au 2 avril, les films les plus vus étaient La Rage de l'Ange en 5e, Basic Instinct 2 en 4e, V pour Vendetta en 3e, L'Informateur en 2e et L'Air de glace, La Fonte en position numéro 1. Je veux voir ça, L'Air de glace. Ça serait bon. J'aime ça, moi aussi, ce genre de choses-là. À ce qui paraît qu'il est très, très bon. Un petit peu réchauffé côté sujet. Mais bon. Sur DVD cette semaine, B-Season de David Siegel, Souvenir de Brokeback Mountain de Ang Lee, Les Chroniques de Narnia, L'Armoire Magique de Andrew Adamson, The Greatest Game Ever Played de Bill Paxton, Trafic Humain de Christian Duguay, Little Manhattan de Mark Levin et Minuit le Soir sur DVD de Pods. C'est la série de Radio-Canada. Oui. C'est la fête de Russell Crowe il y a 42 ans, Jackie Chan a 52 ans et Jackie Chan a 52 ans? Ouais. Ça n'a pas l'air à ça. Hein? Non. Il y a Francis Ford Coppola qui a 67 ans et James Garner qui a 78 ans. Et voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Mais de rien beaucoup, Jack. Ça fait plaisir. Mais merci à toi en passant. C'est comme juste ça de même. Mais no c'est problem. Ta chronique quand même. On s'en va dans le sprint final. On s'en va écouter nos deux premières positions francophones et anglophones. Je ne les nommerai pas, mais faites attention parce que vous pourriez aimer ça. Apprendre avec modération. Ah oui, c'est sûr. La modération a bien meilleur goût. On s'est attaqué par un cheval. Oh mon Dieu. Ça, c'est une espèce de cigale maudite. Elle a de la peine, la cigale maudite. Elle a l'air grosse. Mm-hmm. J'aimerais pas être à sa place. Ça fait de la peine en maudit quand ça arrive. Ça fait du jus. Mais c'est quand même une excellente pièce. Vous écoutez le palmarès de C'est fou jusqu'à 20h. C'est l'édition régulière. Et ensuite de ça, pour la dernière heure, c'est le palmarès en rappel. C'est-tu le fun, Yannick, un peu? T'as-tu peur, Matt? J'ai peur. C'est une ambiance d'horreur, hein? Oh, du clavier! Du clavecin! J'ai failli me faire pogner, mais non. Jamais ça va arriver. Pas du tout, jamais je vais passer de tout droit de mettre le thème du palmarès à la fin du palmarès. Directement de nos studios à Trois-Rivières, vous écoutez le palmarès, c'est fou, 89.1. Et voilà, monsieur. Aïe, aïe. Jamais je vais passer tout droit. Je l'ai toujours. Eh bien, on vient d'entendre le bloc des deux premières positions francophones et anglophones. Et c'est ce qu'on va nommer à l'instant avant de passer avec le palmarès en rappel. Mm-hmm. Deuxième position francophone cette semaine, c'est la formation Malajube avec la pièce La Monogamie, tirée de l'album Trompe-l'œil. Deuxième position en anglophone, c'était NoFX avec The Marxist Brothers, que Mathieu aime bien. Oui. Pourquoi? Surtout parce qu'on parle de podcast. Et voilà, on parle de podcast dedans. Ensuite de ça, première position en francophone, c'était Pierre Lapointe avec la pièce titre de l'album La Forêt des Mal-Aimés, c'est-à-dire Dans la Forêt des Mal-Aimés. Oui, faut pas confondre les deux. Non. Il y en a un qui est un titre d'album et l'autre qui est un titre de pièce. C'est ça. Et on finit ça avec Lenz Hallage, tiré de l'album The Hope Museum avec la pièce Hang On. D'ailleurs, Lenz Hallage, groupe qui adore Trois-Rivières. Oui. Ils sont fanatiques de nous. Ah ouais? Ils aiment bien gros Trois-Rivières. Ah ouais? Ben oui. Comment ça? Ben parce qu'ils sont sur notre palmarès. Ah, ils sont oui. bien gros fiers. Ils sont très, très, très contents. Et d'ailleurs, on n'arrête pas d'en donner des CD. C'est vrai. On n'arrête plus. On est comme rendu malade. Avant d'aller au palmarès sans rappel, on s'en va vers une pause commerciale. Et pendant cette pause-là, téléphonez-nous en studio 376-5183. 819. 376-5183 pour avoir la chance. Ben, en fait, le premier qui nous appelle gagne un CD de Lenz Hallage. Tu le fais un peu? C'est simple. C'est simple, en maudit. Tout de suite, 376-5183. Yeah! Vous êtes assez fous! 89 FM! C'est bien nous autres, ça! Remarquons c'est ici si que fou. Nous n'avons pas le droit de rire des gens de rap, donc ne rions pas de cette année. Non, c'est quoi? Pas fin. Je sais. Hey, tu sais pas quoi? Quoi? On est rendu dans la deuxième partie du palmarès. Yay! Deuxième partie du palmarès égale palmarès en rappel, mesdames et messieurs. C'est bon, ça, cette émission-là. Et le palmarès en rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas compliqué. C'est les pièces des palmarès précédents depuis les débuts de la radio jusqu'à maintenant. Par, c'est quoi le nom? Marconi, ça, le gars qui a inventé la radio? Oui. Depuis le début de la radio. Depuis que la radio existe, on fait passer les meilleures pièces. Puis là, ça ferait-tu que je fais des j'aime ça. Je sais la tête pendant que je parle. C'est le fun. C'est, je viens d'inventer un nouveau personnage. Le gars en chaise berçante. Les enfants, quand j'étais jeune, on avait pas de, on fallait marcher à l'école, on venait, OK, c'est correct. Je suis dans ma bulle pendant 5 secondes. Brain fart, qu'on appelle. Un pet mental. Donc, depuis les 25 dernières années, les meilleures pièces qui ont joué à Sifu, donc depuis 1997. Ce soir, j'ai sorti du Zwan, du Creeper Lagoon, du Linkin Park. J'ai sorti, j'ai triché. Oh. Je dois avouer que pour ça un Sarah Dondu. Ah oui, un Sarah Dondu, exactement. Sarah Dondu est une palmarès si la radio avait existé cette année-là. je ressors un album de 1991, disque qui date de 15 ans cette année. La couverture me dit étrangement quelque chose. Oui, hein? Et je pense que j'aurais même pas besoin d'extrapoler sur vers où ce qu'on s'en va avec ça. Dès les premiers accords, les gens vont être capables de reconnaître ce qui va jouer. Et même que j'ai envie de faire un test tout de suite. Pour voir ce que ça donne. En fait, on va avoir un bloc, on va entendre Zwan. Ça va être précédé de Remy Zero, mais avant, Smells Like Teen Spirit, tiré de l'album Nevermind, Nirvana. Ça me tentait, une petite bulle au cerveau comme ça. Et jusqu'à 21h, vous écoutez le palmarès en rappel avec Matt. Exact. Avec moi. Et avec tout le monde. Tout le monde est heureux ensemble ce soir. Tout le monde est des amis. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. Premier bloc de la soirée. Oui. Ah, palmarès en rappel, qu'est-ce qu'on a entendu? On vient d'entendre Zwan avec Honestly. Juste avant, c'était Remy Zero avec Prophecy. Et au début du bloc, Nirvana avec Smells Like Teen Spirit. Oui, monsieur. On s'est fait plaisir? C'était bien bon. On s'est fait plaisir en maudite affaire. C'était aussi bon que des jujubes. Ouais, parce que Mathieu est en train de manger des jujubes, là. J'ai besoin à les enlever d'être dans mes dents. Là. Et c'est ça. C'est monsieur vient d'apprendre que la pire chose à faire, c'est de manger des jujubes quand t'es en onde, parce que t'as tendance à faire... Ça fait super beau en onde. Sauf que c'est bon. C'est vrai que c'est bon. Je suis pas capable de manger des jujubes. On rentre dans le... Vas-y, parle. On rentre dans la partie de la soirée où ce que je dis de quoi, puis tout le monde s'en fout, mais que, bizarrement, vous êtes... Vous vous sentez obligé d'écouter ce que je dis? Parce que c'est comme regarder un accident de voiture. Et voilà. Ou écouter Star Academy ou Love Story. Mais je peux pas manger de jujube. J'ai les dents trop maganées ou trop minces ou je ça sais pas. Ça fait mal. Ça, oui. C'est sucré, ça fait mal. C'est normal. Ouais, moi aussi, ça m'arrive. Mais moi, ça m'arrive tout le temps. Ouais. Je peux pas manger de jujube. Je peux pas manger de crème glacée. J'ai la misère avec le chocolat. Ouais. Fait que s'il y a un dentiste qui est à l'écoute présentement et qui serait qui voudrait faire une commandite. C'est-à-dire de faire un traitement complet dentaire et qu'on passe son nom à C'est fou pendant 2 ans. Hey, ça serait le fun, hein? J'ai pas de problème avec ça, moi. J'en profiterais, moi aussi, c'est cher, le dentiste. Oui, hein? Ben écoute, on va commencer avec moi, parce que j'ai eu l'idée en premier. Bon. Si le dentiste est prêt à nous faire du 2 pour 1, let's go. Yes. Écoute, moi, je suis prêt à m'entendre avec Louis Rousseau pour que, pour un traitement directeur des partenariats. Directeur des partenariats. Le monde le sait, ça fout. Pour qu'on puisse... changer de la pub, tu comptes un compte du dentiste, là. OK. Moi, écoute, je vais en parler à Louis. Puis une fois que c'est fait, une commandite de chocolat puis de crème glacée. Oui, une fois que j'ai les dents belles et blanches et toutes saines, je vais aller me sacrer ça. Et voilà. Je vais aller mordre à pleines dents dans le plus gros jeu au monde. Celui qui est protégé par la police à Kigali, je pense. Ah, quelque chose comme ça, là. Ouais, dimanche à Kigali, c'est de là que ça vient. Et un dimanche à Kigali. Le film, là, ouais. Les morceaux de jujube. C'est l'histoire d'un dentiste qui a donné une commandite. C'est beau. Ouh. OK, donc, on va aller entendre un deuxième bloc de musique, bloc qui va figurer au grand complet sur le cifou.ca/palmarès. Exactement. Si vous voulez assouvir votre besoin pervers de réécouter qu'est-ce qui s'est passé ce soir. Dont l'histoire des jujubes. Et voilà. Vous pouvez aller sur le site, le nouveau site web de l'émission. Ben oui. Et aller voir qu'est-ce que ça donne. C'est super bon. C'est beau, là. C'est pas des jujubes, mais c'est bon. Vous croiriez même pas ça, comment c'est d'une beauté transcendantale. Il est encore par défaut, mais je vais le rendre beau avec le temps, tu vas voir. Je suis pas inquiet du tout. Qu'est-ce qu'on s'en va écouter, Mathieu? On s'en va entendre. C'est Creeper Lagoon. Mon Dieu, monsieur. Creeper Lagoon, les aventures du lagon épeurant. Le lagon plus épeurant. Ah, plus épeurant, je m'excuse. C'est pas le Creepest, mais c'est Creeper. Creeper, avec Wrecking Ball. Ensuite, on entendra Seven Dust et Legion. En fait, c'est le chanteur Legion de la formation Seven Dust. Okay. Avec Angel Sun et ensuite oui. Linkin Park avec Paper Cut. Oui, monsieur. C'est tout ça sur le palmarès de C'est fou. Jusqu'à 21h, vous êtes avec les deux animateurs les plus hot de la tranche de 17 à 21h de C'est fou, les vendredis soirs. Merci, Jacques. C'est pas peu dire. Comment appelle-t-on un jujube musical? C'est un mal à jujube. Je sais, je suis pas très drôle, mais c'est pas de ma faute. C'est Jacques qui m'a dit quoi dire. On vient d'entendre Linkin Park avec la pièce Paper Cut tirée de l'album Hybrid Theory. Tu te souviens ça? Oui, c'est leur premier album qu'ils ont sorti officiellement. Ils vont peut-être avoir des démos avant ça. Mais première pièce du premier album de Linkin Park. On a précédé ça de Legend de la formation Seven Dust, en fait le chanteur, qui interprétait une pièce qui s'appelle Angel Sun et tirée d'un album qui s'appelle Straight Up, parce qu'après que le chanteur de Straight soit décédé. Eh bien, il y a plein de chanteurs de plein de groupes qui ont interprété les chansons du chanteur avant une dernière fois pour un dernier album. Ceux qui m'ont compris, vous venez de gagner 5$. Et avant ça, c'était Creeper Lagoon avec Wrecking Ball et c'est le bloc qu'on vient d'entendre. On s'en va écouter un petit bloc francophone très très rapide. Ça va être en fait plus que du francophone, ça va être du français. On s'en va écouter une pièce de trio tirée de l'album Grain de Sable. Ça sera Désolé pour hier soir. Et la formation Les Fils de Tupu, tirée de l'album Alambic. On va aller entendre la pièce Kermesse. Et tout ça, ce sera sur les ondes de C'est fou 89.1. Vous écoutez le palmarès, édition rappel, jusqu'à dans 22 minutes. Et au retour du bloc francophone, Mathieu va nous balayer le plancher avec une récapitulation de gens stupides qui font des choses stupides. As-tu bien dit ça, Mathieu? T'es cœur. I like it. On vient d'entendre les fils. On vient d'entendre les fils de Tupu avec la pièce La Kermesse. Et pour ceux qui ne savent pas, Tupu, c'est du verlan pour pute. Verlan étant à l'envers. À l'envers. Donc ça fait les fils de pute et les fils de Tupu. C'est comme je me suis marié à Donf. Mm. À Donf, c'est à fond. À fond. F-O-N-D, D-O-N-F. Ah, ben, non, à Donf. Mm-hmm. Et une meuf. Mm-hmm. Femme. Ah, celle-là, je la savais pas. Et ah, voilà, ben, une meuf. Ça. Ah, ben, ça veut tout une dire. Une femme. Eh ben, c'est ça. Donc, c'était la kermesse avec la de formation Les Fils de Tupu. Ça a été précédé de Trio avec Désolé pour hier soir. D'accord, merci. Pourquoi ridons-tu? Parce que tu as un bel accent. Merci beaucoup. Je me suis fait dire par des Français que c'était bien. Ouais, c'était fidèle à la... C'est relativement fidèle à la vraie prononciation. D'accord. Par contre, comme je ne connais pas la différence marquée entre les régions, Il se peut que je mélange entre les phrases que je fais plusieurs régions différentes dans un même accent français. Ce qui est très drôle lorsqu'on mélange ensemble un Marseillais, qui vient du sud de la France, et un Parisien, qui est en général chiant. Parlant de tour du monde... on va aller écouter... on va faire le tour du monde. Ben oui. Qu'est-ce que c'est? Le tour du monde, des gens stupides qui font des choses stupides. On commence cette semaine à Berlin, en Allemagne, où une Allemande qui venait de trouver un portefeuille contenant 1000 euros a jugé qu'il valait mieux toucher une récompense de son propriétaire plutôt que de garder l'argent, même si, au passage, elle a eu recours à une petite extorsion. Oh. L'Allemande, âgée de 47 ans, a téléphoné à la propriétaire du portefeuille dont le numéro de téléphone se trouvait à l'intérieur et qui se trouvait à être une retraitée. Elle lui a annoncé qu'elle ne pourrait récupérer son portefeuille qu'en échange de 100 euros plus 20 euros de frais de port. Donc la propriétaire a accepté. Oui, c'est ça. La propriétaire, elle a accepté. Puis, elle a appelé la police qui a arrêté l'extorqueuse à l'endroit où devait se faire l'échange. Voyons donc. C'est stupide, ça. Tu sais, mettons, là, être vraiment là, malhonnête, là, tu retournes le portefeuille et tu dis que tu l'as trouvé, il y a plus d'une scène dedans. Et voilà. Puis, ben oui, peut-être qu'il n'y a pas d'argent dedans, maintenant. Il y avait 1000. Ben oui, c'est ça. Non, c'est quoi? Elle aurait dû juste garder l'argent, c'est ça, de raison. Non. Elle aurait dû ne rien faire, ramener le portefeuille à sa propriétaire avec tout ce qu'il y a dedans. L'alternative à ce qu'elle a fait, c'est arrêter de garder l'argent. Et voilà. En tout cas. On continue à Moscou, où la prison de la République russe de Bakortostan sur la Volga a annoncé l'ouverture d'une enquête contre une institutrice, une professeure, qui mettait de la bande collante, du scotch tape, sur les yeux et la bouche de ses élèves pour les obliger à faire la sieste. Man! À la Portnova, officiellement inculpée pour avoir manqué à son devoir, avait recours à cette méthode pour calmer les enfants qui refusaient de dormir lors des siestes obligatoires dans les maternelles russes. Pour certains, elle allait jusqu'à les ligoter les mains. Si ce procédé donnait pas les résultats escomptés, l'institutrice enfermait les enfants aux toilettes pieds nus sur les dalles. Ceux qui allaient se plaindre à leurs parents étaient passibles d'une punition particulière, c'est-à-dire qu'elle forçait leurs camarades de classe à leur porter des coups à tour de rôle. Voyons donc! 4 enfants ont dû avoir recours à un psychiatre, selon la prison. Incroyable. Man! Stupide. Oui. On continue à Londres, où la sécurité d'un aéroport britannique, ça c'est vraiment spécial, la sécurité d'un aéroport britannique a empêché un homme d'affaires d'embarquer sur son vol parce qu'il avait éveillé la suspicion d'un chauffeur de taxi en lui demandant de passer des chansons des Clash et de Led Zeppelin. Je vous explique, Araj Man, il est d'origine indienne, et il avait demandé au chauffeur de taxi de passer 2 chansons qui comportent des paroles guerrières sur la chaîne stéréo du véhicule lors d'une course pour l'aéroport international de Darlington dans le rôle de l'Angleterre. London Calling des Clash et Immigrant Song de Led Zeppelin étaient des chansons en particulier. Le chauffeur a alerté les autorités de l'aéroport et Mann, 24 ans, a été arrêté lors de l'embarquement. Il a raté son vol à destination de l'aéroport londonien Heathrow et a dû prendre quoi? Un taxi pour rentrer chez lui. Non. Ironie. La police britannique a expliqué que l'avion avait décollé avant qu'elle ait pu s'assurer que l'homme ne constituait pas une menace, donc l'homme a raté son avion. Et on termine... C'est quoi? C'est les noms des pièces? C'est London Calling? London Calling de The Clash et Immigrant Song de Led Zeppelin. On termine à Ventura, en Californie, où un enseignant qui se servait d'un obus d'artillerie de 40 mm comme presse-papier a perdu une partie de sa main droite lorsqu'il s'est servi de l'objet pour écraser un insecte sur son bureau. Je veux pas rire de ça, mais quand même. L'obus faisait 13 cm et a explosé devant les 20 à 25 personnes que contenait la salle de cours aux adultes de Robert Colla. Une partie de la main droite de l'enseignant a été arrachée par l'explosion et M. Colla a également subi des blessures à l'avant-bras et au torse. Personne d'autre dans la classe n'a été blessé. M. Colla a fait exploser l'obus en s'en servant pour écraser un insecte qui se trouvait sur son bureau. L'enseignant avait trouvé l'obus lors d'une partie de chasse voilà quelques années et il ignorait encore qu'il était actif. Garde. C'est pas bien de rire des gens. Non, ben non. Mais lui, on peut se foutre de sa gueule. Je veux dire, regarde, c'est fait. Tu méritais pas que ta main elle éclate, là, mais bien fait pour toi. Quand même, au moins, tu sais, en tout cas. Et voilà. Merci Mathieu pour ça. Je suis en train de chercher les paroles des pièces que tu disais. Voir si c'est vraiment violent. Ben, en fait, je suis tombé sur Immigrant Song. Ça dit « The hammer of gods will drive our ships to new lands to fight the horde, singing and crying, Valhalla, I am coming. » Donc, en gros, c'est « Le marteau des dieux va amener nos vaisseaux à de nouvelles terres pour se battre contre la horde en chantant et en criant, Valhalla, j'arrive. » Ouais, quand même, c'est pas parce que le gars est indien que c'est un terroriste, n'importe quoi. C'est sûr. Ça n'a rien à voir, c'est complètement ridicule de la part du chauffeur de taxi, selon moi. Londres nous appelle à des villages éloignés. Maintenant, la guerre est déclarée et la bataille s'en vient. C'est ça que ça dit, London Calling? London Calling, oh. Je trouvais que c'était très, très accrocheur comme chanson. Je savais pas qu'il y avait des paroles de guerre. Ouais, c'est ça. London Calling, ça dit de se battre. The Ice Age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is growing thin. Engines stop running, but I have no fear, because London is burning, and I live by the river. Ok, donc il faut que je note qu'on a fait jouer cette pièce-là parce que Jack l'a chanté. Et voilà, exactement, j'ai chanté plus que 10%. Restez là sur C'est fou, le Mephisto Show s'en vient, mais avant, on a encore quelques pièces à passer avant de se quitter. Oui, il n'y en aura pas beaucoup, en fait, parce qu'il reste comme juste 10 minutes. On va aller écouter une chanson de Muse avec Time is Running Out. Et on va y aller avec Lynchpin après ça, de la formation Fear Factory, histoire de faire une belle transition. Et mon Dieu, mais j'entends la voix de Damon. Au loin comme ça. Au loin comme ça, ça veut dire qu'il revient du de Montréal. Oh. Mon Dieu, c'est cool ça, j'ai hâte d'entendre ça. Je pense que je vais écouter le Mephisto Show juste pour entendre ça. Tu l'écoutes toujours de toute façon. Ben oui, c'est drôle. Ah, les gars. Muse, time is running out. Ensuite de ça, Fear Factory, dernier tour de table et ce sera la fin de l'émission pour ce soir. C'est la fin de l'émission de l'édition d'aujourd'hui. Eh bien, on vient d'entendre Lynchpin de la formation Fear Factory et juste avant ça, c'était Muse avec Time is Running Out. Et justement, parlant de Time is Running Out, ben nous, l'émission tire à sa fin. On a quelques secondes pour vous dire qu'à venir sur les ondes de C'est fou, il faut écouter le Mephisto Show avec Mephisto et Damon. Oui, ensuite de ça, c'est Business Electrochoc. Oui, à 23h. Et ensuite, c'est l'intoxication électronique à 1h, suivi des choix de Satan à 3h. Exactement. Donc, restez à l'écoute et merci beaucoup, Mathieu, d'avoir été là. Merci à toi, Jack. Et jusqu'à la semaine prochaine, comme qu'on dit. Faites attention à vous. C'est un monde de fous. C'est quoi que tu disais la semaine passée? Attention à vos genoux, bonne soirée, bonne chance. Attention à vos genoux, t'es con. Bye. Bye, bonne chance.